bloqué dans les buissons, je compte jusqu'à 2. 3 c'est pour les faibles, 2 c'est déjà trop long. Je le vois pas, il me voit pas. C'est russe, pas Pokémon, ici on tire pas, on caresse. Couché dans l'herbe, j'ai de la mousse dans le slip. Mais mon AK est prête et j'ai faim de loup. Un bruit à gauche, c'est peut-être une biche. Ou un tryhard qui respire trop fort. Un clic de pas, je bouge pas d'un cil. Le moindre pète devant et je te headshot facile. Cache-cache à la cas, le jeu des grands. Où la feuille devient mûre et le buisson ton plan. Tu farmes, moi je te regarde. J'attends l'instant, une balle, un cri et tu dors dans l'écran. Cache-cache à la cas, planqué, vicieux. Ton pote me ping, c'est ton dernier vœu. Russe, c'est pas fair play, c'est pas gentil, c'est raider skill. Planqué, mortel et poli. Je rampe comme un cafard dans la forêt. Avec mes potes dans le vocal qui me hurlent. Tireur. Mais non trop tôt. L'art du buisson c'est une science et je suis docteur. Un noob avec sa pioche me passe sous le nez. Je pourrais l'épargner. Mais bon, faut bien s'amuser. Une rafale, un sac et un petit dé. Puis je retourne dans l'herbe, mon havre sacré. Cache-cache à la cas. Chacun sa foi, certains prient d'autres au camp. Je suis entre les deux, tu vois. Le buisson tremble, non c'est moi qui ris. Taloté 3 heures pour me nourrir. Cache-cache à la car, rider skill star. Un prédateur en slip, sniper à l'ancienne école. Sur russe, je suis l'ombre, je suis la ronce. Et ta dernière vision, mon canon qui fonce. Nails and mail letter. Bruit d'AK rapide, pouf, silence. GG. Sacrée, chaque feuille est suspecte, chaque pixel piégé. Tu penses que t'as gagné, j'étais derrière toi. Le kill fait de le dit, alors ferme ta voix. Cache, cache à la carte, soirée détente. T'as loté un M29, dommage maintenant je l'ai. Reader skill stream, le buisson en chef. C'est pas de la magie, c'est juste mon taf. Je suis partout, je suis nulle part, et je vois ton sac. Fin sèche.